And welcome back to Amanda here on CQT 90.3 FM. The time now in Montreal is 7:40 with an incredibly terrifyingly chilly -20. Feels like -100 out there. Nicolas Roux is a long-standing contributor to Amanda. He moved away many years ago, but he's remained very faithful to the show, and he's really our premier journalist when it comes to bringing us music from the Sahelian region of Africa, always politically and historically contextualized, always really a pleasure to listen to. So I'm thrilled tonight to be able to bring to you a conversation he recently had with Vieux Farka Touré. Music has no borders. For millennia, musicians traveled through mountains, deserts, oceans. They brought along the instruments, the melodies, and the influences. And then they have met other musicians, and together they have transformed, they have recreated music. Eden Reichel is an Israeli Jew, he's a pianist. He's been well known for blending music styles from electronic music to Ethiopian music, and he's using a lot of traditional Hebrew texts. And Vieux Farka Touré is the son of the legendary Malian guitarist Ali Farka Touré, who's often known to have introduced the guitar to this part of the African continent. When some people spend all their energy rejecting the other, these two, they do the opposite. They have created something new, something different, that has certainly made the whole musical spectrum richer. So there is no denying the music's inherent message of tolerance. Societies can learn from one another, it actually makes them stronger. And the Touré Reichel Collective, as they call themselves, stands as an excellent reminder that music and culture can move forward while remembering their roots. Okay, enough talking from me. Let's hear it from these two wandering musicians. I met them after their recent concert in Paris. Eden speaks in English and Vieux speaks in French. Okay, so first question I'd like to ask you, maybe Eden, this sounds just amazing. How does it work? I mean, how much of it is improvised? How much of it is rehearsed? I would say that it's kind of going through a journey with a bit like a foot milestones, you know, here and there, some little short melodies that we know that we can lean on, but we go on stage and we start a journey on stage to see how we can play the moment as much as we can. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Comment ce projet a pris naissance? En fait, Eden et moi, comme on dit toujours, les artistes, c'est la route, c'est les avions, les hôtels, la scène. On s'est rencontrés comme ça dans un aéroport, je crois même ça à Francfort. On s'est rencontrés hasardement. En fait, lui connaissait bien ma musique parce qu'il était beaucoup intéressé par la musique malienne. Moi, je connaissais vraiment pas en réalité la musique d'Israël. Là, il me dit, je viens d'Israël. Et j'étais très content d'avoir quelqu'un, quand même un musicien qui vient d'Israël. Et comme ça, on est devenus vraiment très proches, très amis. Et maintenant, quelques mois après, il m'a invité dans leur plus grand, comme leur palais, leur Opera House. C'est vraiment, je crois que c'est l'un des plus grands salles que j'ai fait déjà. C'est vraiment grand. Et il a fait un bon truc, ça veut dire un bon show, parce que c'était plein à craquer, c'était vraiment tout. Donc ça a vraiment renforcé notre amitié en fait. Et là, parce qu'on a fini très vite, vers 22h, j'ai dit, ben, pourquoi on va se coucher? On va aller s'amuser. On est parti, on a mangé, après on me dit, oh, on va, j'ai un studio, on y va là-bas, on va s'amuser. Bon, c'est comme si on est assis comme ça, les gens viennent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils prennent, ils font du thé, ils font, on parle, on cause. Et c'est comme ça que l'album a été fait, en fait. Ce n'est pas un album qui a été vraiment dire, ouais, on va faire un album, non. Et quand on a fini, au bout de 2h, 3h de jeu, on dit, on est fatigué, maintenant, on va se coucher. Et il m'appelle, il me dit, tu sais que ce qu'on a fait ce soir, ça peut être un album. Je dis, mais lui, il est fou, hein. Franchement, je ne sais pas comment est-ce que ça peut être un album, parce que vu qu'on n'a rien fait comme ça seulement. Il me dit, mais c'est possible. J'ai dit, ok, je laisse le choix. Donc, il a pris le temps de couper, de coller, de bien faire le truc, enlever un peu les bruits, nettoyer un peu. Et il m'envoie. Souvent, il me dit, bon, j'ai besoin que tu fasses ça. Je crois que tout l'album, on a juste touché, oui, juste tout son. Hein. C'est deux sons qu'on a touchés, vraiment qu'il m'a envoyé, que j'ai refait et je l'ai renvoyé. Tous les restes, c'était pendant cette belle nuit où on était vraiment ensemble, tranquille. On ne pensait pas faire un album, c'était pas l'idée. On jouait vraiment pour nous-mêmes, en fait. C'est ce qui aussi a fait, je crois, que la force de cet album, en fait. And I've got to be honest with you. I mean, I'm aware of both your works, and when I first heard about your project, I was a bit skeptical because I thought this is not going to work. You know, it's too different to work. But it sounds actually very natural. The album sounds very natural. How do you explain it? First of all, I think it's about two musicians that are open to explore a different region, different musical parts. And I think that we go to the basic of the ingredients of the music. It's like if you put two chefs, a chef from Italy and a chef from the Philippines, if you go to the basic, they will always use sugar and salt and water. It's like to go to the deepest common ground. And for me, it was natural. I grew up playing piano. Company CDs in my house of Ali Farka Touré or Salif Keita or later on Oumou Sangaré or from the eastern part of Africa, if it's Mahmoud Ahmed or Ahmed Ahmed or Starawoka. So for me it was natural, the way of playing. But I was happy that Veer was also opening his heart, you know, for and to come to Israel. Just to look at me only as a musician, doesn't matter that it's the country or the part of the world, because our countries don't even share embassies. There is no Israeli embassy in Mali, and there is no Malian ambassador in Israel. You're gonna make one. Okay. Une dernière question. Je sais que vous êtes fatigué. Toi, tu es musulman, Idan est juif. Il y a beaucoup de haine religieuse en ce moment. Est-ce que ça a une signification particulière pour toi? Je crois que... Tu sais que dans ce monde-là, les gens se fatiguent. Non, vraiment, les gens se fatiguent. Parce que il y a beaucoup de gens... J'en rencontre beaucoup, hein, qui voient la couleur, qui voient d'où tu viens, des choses comme ça. Ou qui es-tu? Ou quelle religion tu es, je crois que ça n'a pas d'importance. Si nous, Idan et moi, on avait fait comme ça, on n'allait pas faire de la musique. Et franchement, je crois que ce que nous, on a fait tout de suite, j'espère qu'il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire que ce soit des gens du Afghanistan, ou que ce soit des gens du Mali, ou que ce soit des Israël, ou je sais pas, les gens du Pakistan, tu vois, vont faire la même chose, voir que la religion ne fait pas l'homme, c'est pas la religion. Chacun est libre d'aller là où il veut. Si tu veux, là, tu veux dire que l'eau, c'est ton Dieu, c'est ton problème. Mais ça n'empêche pas d'être quand même avec les gens. Lui et moi, on pratique tous nos religions. Nos religions n'ont rien à voir avec, c'est-à-dire notre amitié ou notre collaboration. Mais ce qu'on veut plus, c'est quand même de faire montrer aux gens et de faire voir aux gens que c'est vraiment important d'être unis, d'être vraiment ensemble. I just want to add on this So I feel that Jewish and Muslim people used to live together for hundreds of years, you know, in Iraq, or there is Jewish community in Iran, or in Syria, and I don't think that, and also in Jerusalem, you know, the people used to live side by side. Also in Haifa, Akko. Sometimes the conflict that is known around the world is conflict between states, mm-hmm. and more political conflicts, but not about the not about any religion. I don't think that as a, I think that as Jewish, I will feel most welcome in Mali or Mauritania or in any place around the world. Definitely. Okay, well, thank you very much, Adan, and good luck for the rest of the tour. Thank you. So here's some very thoughtful words from Eden Reichel and VFR Gatori. Let's hear a song from them. It's called Al-Kataou, and it's from the album they released earlier this year called The Tel Aviv Session.